parler du voyageur, on va voyager un peu. Ouais. Je vais vous chanter la chanson du voyageur qui arrive dans un pays mais ne sait pas comment trouver la femme parce qu'il rencontre beaucoup d'autres problèmes, mais aussi celui de la femme. Il veut une femme. Il va voir ses parents à la femme. Les parents de la femme lui disent, mais nous, on n'a rien à voir, va voir la femme lui-même. Arriver devant la femme. Mais moi, je... Qu'est-ce qu'il y a? Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me dire? Mais moi, je... Thank you. Thank you. Thank you. Il faut que j'explique, si mon jour est encore de faire la queue de leur paiement. Rocodon dans le coin de ma rue. Passage-moi, attendre que le bus revienne venir me prendre. Soudain d'une réaction en chaîne. Une honte cœur saigne. Celle de cette honte qui baigne dans son sang de trahison. Qu'est-ce que je te raconte? Je te raconte la honte. Cette honte présente au cœur de chacun de nous. Celle qui écarte la conscience et oublie la raison. La honte qui consiste à enfermer la dignité, le droit, la valeur et le respect. Qui arbitrairement participe à humilier, à faire souffrir et à tuer. Honte à fermer les yeux devant l'immoral, à se cacher pour ne pas voir l'intolérable. On pourrait parler de nature humaine, mais qu'est-ce que c'est? La vulgaire bétail de l'humanité qu'on promène, qu'on engraisse et qu'on enchaîne. Nous sommes là, à l'opposé de ce qui nous fonde, de ce qui nous lie, de ce qui nous émane et de ce qui nous unit. Tout ce doit être ce que nous voulons voir en ce monde, et l'on est victime des passifs, clairement non, des auteurs et des protagonistes. Alliés d'un futur génocide. Pour seules raisons qui sont différentes, mon cœur saigne, celle de cette honte qui baigne dans son sang de trahison. Dans son sang de trahison. Honte et trahison. Honte et trahison. Magasiner des richesses pour ta propre réussite, continue d'avoir et de posséder pour ton mieux-être. Préserve tes acquis, mais regarde-toi dans le miroir. T'as pas honte de détruire des vies, d'occulter la seule existence d'autrui. Observe ce que tu es, ce que tu peux transparaître, une émotion refoulée, une cruauté qui règne en maître. Il y a ceux de la servitude, descends-toi, descends-moi, descends-toi, descends-tu. À travers toi et nous tous, il y a cette parenté commune. Ignoré par l'illusion du bonheur ultime, confortant la fuite en avant, notre chère pitié à les mains sales, confirmant le désistement de cette tolérance corrompue qui génère l'injustice et fabrique des exclus. Mais qui sommes-nous pour infliger à d'autres la mise à l'écart, l'isolement et l'extinction? Mais qui es-tu pour faire la sourde oreille et ne pas lever la présomption? La susceptibilité égoïste qui n'est que trahison. Il n'y a pas quelque chose qui te gêne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne? Quelque chose comme la gestation du mensonge et l'omission. Cherche au plus profond de toi-même. Cette honte qui te ronge. T'es mon cœur saigne. Celle de cette honte qui baigne dans son sang de trahison, dans son sang de trahison. Mon cœur saigne, celle de cette honte qui baigne dans son sang de trahison, dans son sang de trahison. On va avancer encore un peu plus de la jungle. Thank you. Le plaisir est partagé. Et là, je vois qu'il y a une équipe de choc qui arrive.